rahimahullah ta'ala, dans lequel il dit le deuxième principe fondamental, la connaissance de la religion musulmane par l'épreuve, après avoir parlé de la connaissance du Seigneur qui est adoré. Il a donc abordé ce deuxième principe-là. Et le Cheikh Najmi donc a dit en commentaire que la connaissance des preuves n'est une obligation que pour les étudiants en sciences islamiques. La connaissance des preuves. Et on avait abordé précédemment cela dans la lecture des propos du Cheikh Najmi dans un autre passage. Si ce n'est ici qu'on attira l'attention vers un point lié donc à la traduction. Lorsque donc le Cheikh ici a dit, il aurait permis de savoir que telle chose est autorisée, mubah, telle chose est interdite, muharram, et telle autre obligatoire, wajib, sans en connaître les preuves. Il aurait été peut-être plus précis de dire, même s'ils n'en connaissent pas, les preuves. Et ce donc, pour être plus fidèle à la parole du Shir, et également, afin que ne soit pas compris par le lecteur que il n'est pas tenu de connaître les preuves. Mais ce qui est voulu donc par les propos du Shir, c'est qu'il est permis donc au commun des musulmans de savoir que telle chose est autorisée, telle chose est interdite, telle autre est obligatoire, même s'il n'en connaît pas les preuves. Malgré tout, ça ne signifie en rien qu'il ne doit pas faire des efforts et chercher à connaître ses preuves. Cela nous amène justement à parler de l'intérêt qu'il y a à connaître les preuves. Et celui qui connaîtra la vérité avec sa preuve ne sera bien sûr pas identique à celui qui la connaît de manière globale sans forcément en connaître la preuve. En effet, le fait de connaître la réalité de la religion, de connaître les questions religieuses, et de lier cette connaissance à la connaissance de la preuve, ça fait partie des grandes causes qui permettent, bi'idhnillah, permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être ferme sur la religion. D'être ferme sur la religion. En effet, si celui qui connaît la religion de manière détaillée, avec ses preuves, doit toujours craindre l'égarement et doit toujours craindre de dévier et qu'il n'est pas à exclure que la personne s'égare après avoir connu la vérité avec ses preuves, alors qu'en est-il de celui qui ne connaît la vérité que de manière sommaire ou globale? Donc, il est impératif de faire des efforts afin de connaître la vérité et d'approfondir cela et de connaître la vérité donc liée aux preuves qui l'appuient. Na'am. Qala Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, l'islam est la soumission à Allah par le tawhid et par l'obéissance. Cheikh Najmi rahimahullah dit, l'islam est la soumission. Autrement dit, l'islam est défini ainsi. La soumission à Allah par le tawhid et par l'obéissance et le renoncement au shirk. Telle est la définition du mot islam. Et l'expression la soumission à Allah par le tawhid signifie qu'il faut se soumettre avec obéissance aux commandements et aux interdits divins. Naam. Donc ici, l'auteur a dit, en parlant donc de l'islam et en définissant l'islam. Wa huwa l'istislamu lillahi bit tawhid wa l'inqiyadu lahu bit ta'a. والبراءة من الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله. Ce qui a été traduit ici donc par l'islam et la soumission à Allah par le tawhid et par l'obéissance, ce qui aurait également pu être formulé de la sorte en disant l'islam c'est la soumission à Allah par le tawhid et le fait de lui être servile en lui obéissant, ce qui aurait permis donc de mieux distinguer ces deux points. Sachant que il y a deux principes, deux points à dégager de cette parole de l'auteur, rahimahullah. La première, donc, c'est la soumission à Allah par le tawhid. Et ça renvoie à la conviction du cœur. Quand l'auteur dit wa huwa al-istislam lillahi bit-tawhid, cela renvoie donc à la conviction du cœur. Le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en reconnaissant dans son cœur son unicité. En reconnaissant dans son cœur son unicité. Et le deuxième point, al-inqiyad lahu bit-ta'a. Qu'on peut traduire donc par le fait de lui être servile en lui obéissant, qui renvoie cette fois-ci aux actes des membres, aux actes apparents. Les actes des membres, les actes qui sont apparents. Ces propos-là de l'auteur renferment donc la conviction du cœur, d'une part, et les actes des membres qui sont apparents, d'autre part. Le Cheikh Al-Najmi, rahimahullah, a dit, autrement dit, l'islam est défini ainsi, la soumission à Allah par le tawhid, par l'obéissance et le renoncement au shirk. Telle est la définition du mot islam. Et l'expression la soumission à Allah par le tawhid signifie qu'il faut se soumettre avec obéissance aux commandements et aux interdits divins. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit, et le reniement du polythéisme et de ceux qui le pratiquent. Cheikh Najmi rahimahullah dit en commentaire, et le reniement du polythéisme et de ceux qui le pratiquent. Il s'agit de purifier sa croyance et ses actes de tout polythéisme, conformément aux paroles du Très-Haut, « وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » et tes vêtements, purifie-les. Et la définition que nous venons de donner convient bien. Tout comme la première, où est mentionné le reniement du polythéisme. Chaque définition a son importance, et toutes les deux ont le même sens, car renoncer au shirk revient à purifier le tawhid, qui ne sera pur que si l'on renie le shirk, conformément aux paroles d'Allah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque ne croit pas au tawhid et croit en Allah a saisi l'anse la plus solide. Na'am. Donc ici, l'auteur rahimahullah aborde le troisième point contenu dans l'explication de l'islam. Puisqu'on a cité donc que l'islam c'est al-istislamu lillahi bit-tawhid, la soumission à Allah par le tawhid, qui renvoie donc, comme on l'a expliqué, à la conviction du cœur. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, c'est le deuxième principe, na'am, qui consiste à être servile en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui renvoie donc aux actes des membres. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ, et le reniement du polythéisme et de ceux qui le pratiquent. C'est là donc le troisième des principes. Le reniement du polythéisme et de ceux qui le pratiquent. Le reniement, qu'on peut également appeler ici donc le désaveu. Le fait de se désavouer du polythéisme et de ceux qui le pratiquent. Tu as donc ces deux points-là à retenir. Le premier donc qui a été expliqué, et le second qui revient à renoncer au shirk. Donc dans le premier cas, ça revenait à purifier le tawhid. Et le second, ça revient donc à renier le shirk. Et ces deux choses-là, comme l'a expliqué le Cheikh Najmi, ces deux choses-là sont liées. Et le fait que tu purifies ton tawhid, na'am, ça implique forcément que tu renies toute forme de polythéisme. Et le fait que tu renies toute forme de polythéisme, ça implique forcément que tu purifies le tawhid. C'est ce qu'il a dit, et la définition que nous venons de donner convient bien. Tout comme la première, où est mentionné le reniement du polythéisme. Chaque définition a son importance, et toutes les deux ont le même sens, car renoncer au shirk revient à purifier le tawhid, qui ne sera pur que si l'on renie le shirk. Conformément aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, « فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. » Quiconque ne croit pas, mais croit au tawhid et croit à Allah, a saisi l'anse la plus solide. Et on aura l'occasion, inshallah ta'ala, à la fin de ce livret, d'aborder le sens du tawhid. D'aborder le sens du tawhid. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. De même qu'on aura l'occasion d'aborder l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ». Non. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit: la religion musulmane comporte trois niveaux, l'islam, la foi et l'excellence, en sachant que chaque niveau repose sur des piliers. Cheikh Najimi, rahimahullah, de dire: la religion musulmane comporte trois niveaux, l'islam, la foi, l'iman, et l'excellence, l'ihsan, en sachant que chaque niveau repose sur des piliers. Et ces trois niveaux sont rassemblés dans le hadith de Jibril, rapporté par Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. L'islam concerne l'aspect extérieur de la religion musulmane, à commencer par la prononciation des deux attestations de foi, l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et celle que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah atteste, et avec lui les anges et ceux qui ont la connaissance, qu'il n'y a de divinité que lui, lui qui maintient la justice, il n'a de Dieu que lui, le puissant, le sage. Na'am. Donc ici, l'auteur continue, rahimahullah ta'ala, en disant que la religion musulmane comporte trois niveaux, l'islam, la foi et l'excellence. L'islam, l'iman et l'ihsan. En sachant que chaque niveau repose sur des piliers. Na'am. Puis, Cheikh Najmi rahimahullah a fait référence au hadith connu comme étant le hadith de Jibril, rapporté par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que nous allons aborder prochainement, incha'Allah ta'ala. Puis il a dit: l'islam concerne l'aspect extérieur de la religion musulmane, à commencer par la prononciation des deux attestations de foi. L'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et nous avions fait référence à plusieurs reprises à la traduction correcte de la ilaha illallah. Et nous avions expliqué qu'il n'était pas correct de la traduire en disant il n'y a de Dieu qu'Allah. Cependant, il faut attirer l'attention vers le fait que ça va être expliqué plus loin. Ça va être expliqué plus loin. C'est peut-être pour ça que le traducteur donc s'est contenté de cette traduction littérale et qu'il n'a pas mis entre crochets digne d'être adoré. A savoir donc, il n'y a de Dieu digne d'être adoré qu'Allah. Entre crochets donc, le fait de mettre digne d'être adoré. Il s'est peut-être contenté du fait que plus loin, c'est expliqué, comme on va le voir dans quelques instants, incha'Allah ta'ala. Cependant, dans la traduction, il est impératif, malgré tout, d'attirer l'attention vers ce point-là. D'attirer l'attention vers ce point-là. Pourquoi ? Car les Arabes de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur disait « Dites la ilaha illallah et vous réussirez », ils comprenaient de suite ce que signifiait la ilaha illallah. Et ils savaient que ça signifiait « Nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah ». Et ils n'avaient pas besoin donc de l'explication qui venait après. Ça veut dire que ce principe-là, nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, il est compris à la base. Mais l'explication après elle vient, notamment lorsque les ulama donc expliquent cette chose-là, du fait de l'ignorance de beaucoup de gens à ce niveau-là. Mais le fait de l'expliquer, ça ne dispense en rien de laisser apparaître clairement, lorsque tu traduis la ilaha illallah, le sens exact de cette attestation-là. Naam. Et celle que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et donc, en se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, shahid Allahu annahu la ilaha illa hu, والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste avec lui les anges et ceux qui ont la connaissance qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré que lui, lui qui maintient la justice, il n'y a de Dieu qui ne mérite d'être adoré que lui, le puissant, le sage. Et on peut retirer de ce verset-là plusieurs enseignements. Parmi ces enseignements-là, le mérite de la science, de la connaissance. Également le fait que cette science-là, c'est la science religieuse. qui est visé ici. Et également, l'honnêteté et la fiabilité des gens de science, étant donné que c'est une attestation d'honorabilité qui est contenue dans ce verset. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est fait témoigner, il est pris à témoin les gens de science dans le fait que nul autre que lui ne mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Na'am. Cheikh al-Islam de dire, rahimahullah, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et donc ici il le fait, à chaque fois qu'il y a ça, donc, ça dispense, donc, le fait qu'on ait attiré l'attention vers ce point-là, concernant la traduction, ça dispense d'attirer l'attention vers ce point-là, le restant du cours, Inch'Allah. L'accomplissement de la prière, le versement de l'aumône légale, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Et la preuve de cette attestation réside dans les paroles d'Allah. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, et avec lui les anges et ceux qui ont la connaissance, qu'il n'y a de divinité que lui, lui qui maintient la justice, il n'y a de Dieu que lui, le puissant, le sage. Et le sens de cette attestation est qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, il n'y a de divinité en tant que négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qu'Allah, en tant qu'affirmation que l'adoration appartient à Allah seul, qui n'a aucun associé dans cette adoration, tout comme il n'a pas d'associé dans son royaume. Na'am. Na'am, continue. Cheikh Najmi, rahimahullah, de dire, et le sens de cette attestation est, il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, il n'y a de divinité en tant que négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qu'Allah, en tant qu'affirmation que l'adoration appartient à Allah seul, qui n'a aucun associé dans sa... dans cette adoration, tout comme il n'a pas d'associé dans son royaume. Naam. Donc ici, l'auteur, rahimahullah, le cheikh de l'islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, aborde les piliers de l'islam. Étant donné qu'il a dit que la religion musulmane comporte 3 niveaux, l'islam, la foi et l'excellence, et que chacun de ces niveaux repose sur des piliers, il aborde donc les piliers du premier de ces niveaux, à savoir... l'islam. Et le premier de ces piliers, c'est l'attestation qui consiste à dire « La ilaha illallah ». Nous avions vu précédemment, lorsqu'on avait étudié ensemble les leçons importantes adressées à l'ensemble de la communauté, écrites par le shir Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah, nous avions eu l'occasion d'aborder le sens du mot shahada. Quand on dit shahadatu an la ilaha illallah, l'attestation que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Qu'est-ce qu'une attestation? L'attestation, on avait dit que ça doit réunir, shahada, langue arabe, qu'on traduit par attestation, ça doit réunir 3 points. Ça doit réunir 3 points. Premièrement, la connaissance liée à la chose que tu attestes, que tu en aies connaissance. Ça, c'est un premier point. Un second point, le fait d'avoir la conviction, la certitude. Ça, c'est le second point. Et le troisième, le fait de prononcer cette chose-là. Le fait de le prononcer. Le fait d'en informer autrui. Ce sont les 3 piliers, on va dire, de l'attestation. Pour qu'une chose soit considérée comme une attestation, il faut qu'elle ait réuni ces 3 principes. La connaissance, premièrement. Deuxièmement, la conviction, la certitude. Et troisièmement, la prononciation, le fait de prononcer cette chose-là, le fait d'en informer autrui. Et c'est important de savoir cette chose-là. Car le fait qu'en français, on dise la profession de foi, quand on parle de shahadatu an la ilaha illallah, qu'on traduit cela par l'attestation de foi, ça semé la confusion dans l'esprit de certains qui confondent l'attestation de foi et la définition donc de l'attestation de foi et la définition de la foi. Et vous n'êtes pas sans savoir, hafidhakumullah, que la foi, al-iman, dans la religion, c'est quoi? La foi, l'iman, dans son sens religieux, comme on aura peut-être l'occasion de le revoir, bi'idhnillah, c'est une croyance du cœur. Une parole avec la langue. Donc là, tu retrouves certaines similitudes avec le principe de shahada, d'attestation. Mais la foi, l'iman, c'est aussi des actes. C'est aussi des actes dans la religion. Également, donc, il faut mentionner que cette foi augmente par l'obéissance à Allah et diminue en lui désobéissant, Azza wa Jal. Une fois qu'on a établi cela, et que tu as bien compris la différence entre ces deux points-là, ne pense pas, lorsque tu vois que quelqu'un définit l'attestation, le principe d'attestation de shahada, et qu'il ne mentionne pas l'œuvre, ne pense pas qu'il est tombé dans de l'irja. Ne pense pas qu'il est tombé dans de l'irja. Parce qu'il n'est pas en train de parler de l'iman. Et il faut savoir que les trois piliers qu'on a mentionnés tout à l'heure de l'attestation, à savoir la conviction, la connaissance, la conviction du cœur, et également le fait de prononcer, le fait d'en informer autrui, c'est sujet à unanimité chez les ulama, comme l'a mentionné Ibn Manda, rahimahullah. Donc, celui qui viendrait à établir cette chose-là, il serait en accord avec le consensus, l'avis unanime des ulama. Et il ne serait en rien tombé dans de l'irja. L'irja, ça serait de définir la foi sans mentionner les actes. À ce moment-là, la personne, qu'Allah nous en préserve, tomberait dans l'irja. Et il y a d'autres développements à faire. Et ce n'est pas là le moment, ni le contexte. Naam. Ensuite, il a dit, après avoir mentionné donc de manière brève ces cinq piliers, il est revenu donc sur l'attestation. L'attestation de foi, shahadatu an la ilaha illallah, le fait de dire la ilaha illallah, nul Dieu ne mérite d'être adoré, si ce n'est Allah. Et l'auteur a dit, le sens de cette attestation est qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Ensuite, il a décortiqué cette attestation en disant, il n'y a de divinité, ce qui équivaut à la ilaha, donc la première partie quand tu dis la ilaha, il n'y a de divinité digne d'être adorée. Et il a dit, en tant que négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Qu'Allah, ça c'est la deuxième partie, qui correspond à illallah, en tant qu'affirmation que l'adoration appartient à Allah seul, qui n'a aucun associé dans cette adoration, tout comme il n'a pas d'associé dans son royaume. Donc ici, l'auteur, il est en train d'expliquer que l'attestation que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, ça comprend une négation et également une affirmation. La négation dans un premier temps, contenue dans la ilaha, il n'y a de Dieu ou il n'y a de divinité qui ne mérite d'être adoré. Et l'affirmation dans la deuxième partie, illallah, traduit ici par qu'Allah. Na'am. Et la négation suivie de l'affirmation, ça donne l'exclusivité et la restriction. Ce qui signifie que l'adoration est un domaine exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et ici, donc, le commentateur, le Sheikh Najmi, rahmatullahi alayhi, a dit, et le sens de cette attestation est, il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Il n'y a de divinité en tant que négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qu'Allah, en tant que négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est-à-dire, nier le fait que tout ce qui est en dehors d'Allah mérite d'être adoré. C'est ça le sens. En effet, le shir Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah, a dit dans son livre Hashiyatu Thalathatil Usul, qui fait partie des commentaires de référence du livre Thalathatil Usul qu'on essaie d'étudier actuellement. Il a dit, rahimahullah, لا إله أي لا مألوها يستحق أن يعبد إلا الله. فإذا قلت لا إله كنت نافيا جميع ما يعبد من دون الله سوى الله. يعني وآلهة غير الله كثيرة طبق الأرض ولكن بالباطل والضلال. وإنما الإله المستحق للعبادة هو الله وحده. لا إله il n'y a de Dieu qui ne mérite d'être adoré, signifie, il n'y a d'être divinisé qui ne mérite d'être adoré, sauf Allah. Ainsi, lorsque tu dis la ilaha, donc la première partie de l'attestation de foi, ça revient à ce que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Sauf Allah, bien sûr. Dans le sens où que les divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreuses et ont rempli la terre. Cependant, elles sont adorées par le faux et l'égarement. Alors que la seule divinité qui mérite l'adoration est Allah, l'unique subhanahu wa ta'ala. Naam. Et le fait que l'auteur ait dit, et ça a également été repris par le commentateur, le Sheikh Najmi, qui n'a aucun associé, c'est-à-dire Allah, dans cette adoration, tout comme il n'a pas d'associé dans son royaume. Ça revient à ce qu'on avait déjà cité comme argumentation par l'unicité de la Seigneurie pour expliquer la validité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Car de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé dans son royaume, eh bien il convient de ne pas lui donner d'associé dans son adoration. Subhanahu wa ta'ala. Il est peut-être opportun ici de s'arrêter un instant et de citer les différentes explications de la ilaha illallah. Et je pense que j'avais annoncé cela quand on l'avait abordé dans les leçons importantes. Les différentes explications erronées qui ont été avancées concernant le sens de la ilaha illallah. Et nous avons vu, nous avons répété, et nous le répéterons encore, incha'Allah, que la ilaha illallah signifie nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Il faut savoir que un bon nombre d'explications ont été données. Parmi ces explications-là, il y a le fait de dire « Il n'y a de créateur qu'Allah ». C'est-à-dire que « La ilaha illallah » signifierait « Il n'y a de créateur qu'Allah ». Alors il faut savoir que « La ilaha illallah », ça comprend comme sens le fait qu'il n'y a de créateur qu'Allah. Mais ce n'est pas là le sens premier. Ce n'est pas là le sens premier. Et tu comprendras cela lorsque tu te rendras compte que les polythéistes qui étaient en grande divergence avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient à la base qu'il n'y a de créateur qu'Allah. Or, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait « Dites la ilaha illallah, vous réussirez », ils s'enorgueillissaient et ils disaient « Aja'al al-alihata ilahan wahida » A-t-il fait des divinités une seule divinité? Voilà quelque chose de bien étonnant. Et parmi ceux qui prouvent qu'ils reconnaissaient qu'il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaquluna Allah. Et si tu les questionnes, Qui a créé les cieux et la terre? Ils répondront, c'est Allah. Et les versets sont nombreux, allant dans ce sens. À partir de là, tu comprends que la divergence, elle n'était pas dans le domaine de la seigneurie, mais bel et bien dans le domaine de l'adoration. Donc le fait que tu dises, il n'y a de créateur qu'Allah, cette chose-là en soi, c'est quelque chose de juste. Et c'est compris. Ça fait partie des sens de la ilaha illallah, mais ce n'est pas le sens premier. Le sens premier, c'est, il n'y a de Dieu qui ne mérite d'être adoré, si ce n'est Allah. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Ceci, car Allah est la vérité, et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui représente le faux, et que Allah est le très haut et le très grand. Et que Allah est le très haut et le très grand. Parmi les explications qui reviennent en vérité à cette explication-là, on peut trouver l'explication qui a été donnée par le groupe d'établir. Par le groupe d'établir. Cette explication-là de la ilaha illallah est la suivante. Ils ont dit, la ilaha illallah, ça signifie sortir du cœur les fausses certitudes résidant dans les choses. Il faut s'accrocher un peu pour comprendre. Le fait de sortir du cœur les fausses certitudes résidant dans les choses, afin de rentrer la vraie certitude en Allah. Que c'est Allah qui crée, pourvoit la subsistance, gère toutes choses, et ainsi de suite. Donc je répète, leur définition de la ilaha illallah, ça consiste à sortir du cœur les fausses certitudes résidant dans les choses et rentrer la vraie certitude à Allah, que c'est Allah qui crée, qui pourvoit la subsistance, gère toutes choses, donne la vie, donne la mort, et ainsi de suite, parmi tout ce qui est lié à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il est le seul à détenir la seigneurie subhanahu wa ta'ala. Cette définition, elle a été réfutée par les ulama et également par ceux qui ont écrit concernant les égarements d'établir. La première des réfutations qu'on peut adresser au tablir concernant cette définition de la ilaha illallah, c'est qu'elle n'est pas connue des salafs. Et le slogan des gens de la sunna, lorsqu'ils voient quelque chose dans leur religion qui n'a pas été pratiqué par les salafs, c'est qu'ils disent « لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ » Si c'était un bien, ils nous y auraient devancé. Or cette définition-là, cette explication-là de la ilaha illallah, elle n'est pas connue des salafs. Deuxième point qu'on peut citer en réfutation à cette définition de la ilaha illallah, comme l'a mentionné le shir Muhammad ibn Salih al-Uthaymin dans son commentaire de Kashf al-Shubuhat, à la page 43, c'est que faire sortir la certitude résidant dans les choses n'est pas possible. Étant donné que la certitude en certaines choses connues, établies et ou palpables, ne contredit pas le tawhid. Donc là, pour souci de fidélité, c'est dans le sens des propos du shir Ibn al-Uthaymin. Celui qui veut donc les propos exacts, il retourne au livre directement, Sharh Kashf al-Shubuhat, page 43. Donc faire sortir la certitude résidant dans les choses n'est pas possible, étant donné que la certitude en certaines choses connues, établies et ou palpables, ne contredit pas le tawhid. Elle peut même être approuvée par Allah, comme dans le verset de la sourate At-Takathur, lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kalla, law ta'lamuna 'ilma al-yaqin, la tarawunna al-jahim » Si seulement vous saviez de sciences certaines, vous verriez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Donc la certitude en cette chose-là, qui est réelle, qui est établie, ce n'est pas quelque chose à blâmer. Ce n'est pas quelque chose à blâmer. De même, tout ce qui viendrait à être connu, établi et, ou palpable. Il n'y a pas de mal à avoir la certitude en cette chose-là. Tu as la certitude, par exemple, que la personne en face de toi existe réellement. Et ainsi de suite. Également, parmi les points qu'on peut citer en réponse à cette définition erronée de la ilaha illallah, le fait que la parole sortir du cœur les fausses certitudes résidant dans les choses et rentrer la vraie certitude en Allah correspond en vérité à la doctrine de l'unité de l'existence qu'on appelle Wahdat al-Wujud. Le fait de considérer que le Créateur et la créature ne fait qu'un. C'est ce qu'on appelle donc Wahdat al-Wujud, l'unité de l'existence, qui est une croyance soufie, mécréante, et qui consiste donc à considérer que le Créateur et la création ne font qu'un, voire que tout ce qui est n'est qu'Allah. Et cette définition de la ilaha illallah donnée par l'établir, c'est à cela qu'elle amène. Qu'Allah nous en préserve. Elle débouche sur quoi? Elle débouche sur la croyance, sur la doctrine de Wahdat al-Wujud, l'unité de l'existence. Et Allah est bien au-dessus de ce que disent ces injustes. Quatrième point qu'on peut citer dans la réfutation de cette définition de la ilaha illallah, c'est que cette conception du tawhid, et ça celui qui connaît un minimum l'établir, il le reconnaîtra là-dedans. Cette conception du tawhid conduit à une compréhension erronée du principe de tawakkul, puisqu'elle rejette les causes légiférées, puisque selon eux, donc, tu dois sortir. Naam. Tu dois sortir du cœur les fausses certitudes résidant dans les choses. Ça veut dire que les choses, la certitude que tu peux être amené à avoir à elles, c'est une fausse certitude. Et que la seule et vraie certitude, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui les a conduits à quoi? Eh bien, rejeter les causes et les moyens légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala pour parvenir à tes objectifs. Naam. Et ça revient donc à une grande défaillance, à une grande lacune dans la compréhension du tawakkul. Et tawakkul, on avait expliqué, c'est quoi? C'est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant recours aux causes. En ayant recours aux causes légiférées. On avait dit que ça contenait trois points essentiels. Le premier, le fait que tu renvoies tout à Allah subhanahu wa ta'ala en t'en remettant à lui. Le deuxième principe, c'est le fait d'avoir recours aux causes et aux moyens légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième, c'est qu'après avoir effectué et avoir eu recours à ces moyens-là, avoir, entre guillemets, comme on dit, fait les causes, eh bien c'est que tu ne prends plus en considération ces causes après les avoir faites et que tu t'en remets uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et eux donc, la conception qu'ils ont du sens de la ilaha illallah, ça les a menés à rejeter les causes. Ça les a menés à rejeter les causes. Et les conséquences néfastes de cela se retrouvent dans les fables et histoires saugrenues racontées par l'établir. Histoire de gorille, histoire de dauphin, et toute histoire fabuleuse qui n'existe que dans leurs rêves ou dans leur tête. Et certaines d'entre elles ont été citées par le Cheikh Tawajiri dans son livre Al-Qawl al-Baligh. Dans son livre Al-Qawl al-Baligh, qui est un livre référence dans la réfutation d'établir, auquel il convient de revenir. Al-Qawl al-Baligh, Al-Siraj al-Munir, Cheikh Taqidin al-Hilali, Naam. Et également, les différentes fatwas des ulama, notamment celles qui ont été compilées par le Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahullah, et qui sont d'ailleurs traduites en français, que je vous invite à consulter. Et tu trouveras dans cela de la suffisance. Et ça te dispensera d'avoir recours à d'autres livres qui ont été écrits, même s'il y a d'autres livres bénéfiques qui ont été écrits à ce sujet que je ne cite pas forcément là, mais tu trouveras également d'autres personnes qui ont écrits entre les tablires et tu retrouves dans leurs livres certaines lacunes. Il convient donc de revenir à ces livres de référence. Cinquième point qu'on peut citer, ça sera le dernier concernant la réfutation de cette de cette définition de la ilaha illallah, c'est qu'elle se contente de traiter du tawhid de la seigneurie sans aborder le tawhid dans l'adoration. Et on a pu mentionner précédemment que certes la ilaha illallah comprend le sens de l'unicité de la seigneurie, mais que ce n'est pas là le sens premier. Que le sens premier, c'est quoi? C'est le fait que nul Dieu ne mérite d'être adoré, si ce n'est Allah, et qu'il faut donc impérativement faire mention du mérite exclusif qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient d'être adoré. Parmi les explications erronées qui ont été avancées concernant l'attestation que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, tu as le fait de dire que ça signifie, que la ilaha illallah signifie « il n'y a de Dieu qu'Allah » ou « il n'y a de divinité qu'Allah » ou « il n'y a de divinité ou de Dieu qui n'existe qu'Allah » ou « il n'y a de Dieu que Dieu ». Et on a eu l'occasion d'expliquer donc la fausseté de cette explication-là. Il n'y a pas de mal donc à la répéter donc de manière brève, inshallah. Cette explication, ce genre d'explication n'est pas correcte. Pourquoi? Du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il a affirmé l'existence de divinités en dehors de lui. Et il a affirmé la nullité de leur adoration. Mais il a bel et bien affirmé leur existence. Il n'est donc pas permis de nier cette existence-là, l'existence de nombreuses divinités adorées qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme on l'a dit précédemment, en faisant mention de la parole des polythéistes, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Qu'est-ce qu'il répondait? Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. A-t-il fait des divinités, une seule divinité? Voilà quelque chose de bien étonnant. Donc il y a des divinités. Elles sont très nombreuses. Qui sont adorées en dehors d'Allah. Mais elles ne méritent pas de l'être. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit: فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Et les divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur furent d'aucune utilité lorsque vint l'ordre de ton Seigneur. Donc à nouveau, on retrouve l'affirmation de l'existence de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'était donc pas permis de nier cette chose-là, encore moins d'affirmer que la ilaha illallah signifie il n'y a de Dieu ou de divinité qui n'existe qu'Allah. Et donc, on conclut ce point-là, en rappelant l'explication correcte qui est « La ilaha illallah » signifie « Il n'y a de Dieu qui ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah ». Il faut impérativement faire mention et faire apparaître clairement le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Et naam. Le cheikh de l'islam dit: et le sens de cette attestation est clarifié par les paroles d'Allah. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple: je désavoue ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer dans sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Naam, ici on avait attiré l'attention précédemment vers le fait que Ith qala Ibrahim, donc signifie et rappelle, lorsqu'Ibrahim, donc on peut mettre entre crochets, rajouter rappel, après donc la conjonction de coordination et également, donc peut-être reviendront-ils, on optera plutôt vers le fait de traduire la'allahum yarji'un par afin qu'ils reviennent. Afin qu'ils reviennent. Na'am. Ainsi que le verset قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Nous n'adorons qu'Allah sans rien lui associer, et nul parmi nous ne prend un autre pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins que nous nous sommes vraiment soumis. Cheikh Najmi rahimahullah dit, et le sens de cette attestation est clarifié par les paroles d'Allah, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer dans sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Ainsi que le verset dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Nous n'adorons qu'Allah sans rien lui associer. Et nul parmi nous ne prend un autre pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins que nous sommes vraiment soumis. Le second pilier. Na'am, donc ici, l'auteur, rahimahullah, dit le sens de cette attestation est clarifié par les paroles d'Allah. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Et rappelle lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et donc jusqu'à la fin des versets. Ici donc on retrouve le principe de négation et d'affirmation. C'est pour cela que ce verset a été mentionné. Je désavoue ce que vous adorez. Ça c'est la négation. Je désavoue ce que vous adorez. Et ensuite, tu trouves que fait suite à cette négation l'affirmation, à l'exception de celui qui m'a créé. Et on a dit que la négation suivie de l'affirmation, ça fait apparaître et ça met en avant une notion d'exclusivité. L'exclusivité du culte voué à Allah subhanahu wa ta'ala. De même que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dit aux gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, venez à une parole commune entre nous et vous. Nous n'adorons qu'Allah sans rien l'une associée. Et nul parmi nous ne prend un autre pour Seigneur en dehors d'Allah. Tu retrouves donc à nouveau ici la négation et l'affirmation. Puis s'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins que nous sommes vraiment musulmans. Ici, le Cheikh Ibn Qasim a dit dans son livre « Hashiyat Thalathat al-Usul » en commentaire de la fin de ce verset, à savoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Puis s'ils se détournent, dites-leur, soyez témoins que nous sommes réellement et vraiment musulmans. Il a dit, c'est-à-dire, si jamais ils s'abstiennent et qu'ils se détournent et qu'ils évitent la réponse et qu'ils ne répondent pas à l'appel de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, alors dites-leur vous, ô vous, la communauté de Mohammed, dites-leur, attestez que nous sommes bel et bien musulmans et que nous adorons exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala, que nous nous voyons un culte exclusif par le tawhid, ce qui n'est pas votre cas. C'est-à-dire, dites-leur explicitement cette chose-là par la parole. Que vous êtes musulmans et qu'eux ils sont mécréants et que vous vous désavouez d'eux et que eux ils sont désavoués de vous. Et cela prouve donc qu'il est impératif d'éclaircir cela aux mécréants afin qu'ils le comprennent et qu'ils en aient la conviction qu'ils ne sont pas sur la même religion que la nôtre, que la tienne, et que ta religion est différente de la leur, sur laquelle eux ils sont, et que leur religion est différente de la tienne. Et c'est là en vérité, mes frères, fin des propos du Cheikh Ibn Qasim, c'est là le sens de ce qu'on appelle Idhar ad-Din. Idhar ad-Din. Le fait de faire apparaître la religion. Et vous retrouvez ce principe notamment, et on aura peut-être l'occasion d'en parler quand on va parler de la hijra, l'émigration. On va en parler dans ce livre, Inch'Allah. Tu vas retrouver ce principe Idhar ad-Din, notamment lorsque les ulama ils disent que l'émigration, le fait d'émigrer, de quitter les terres de mécréance, devient obligatoire lorsque tu n'as pas la possibilité de concrétiser ce principe de Idhar ad-Din, littéralement le fait de mettre en avant, de pratiquer ouvertement ta religion. C'est quoi le sens de Idhar ad-Din? Le sens de Idhar ad-Din, c'est ça. C'est que tu puisses, tu aies la capacité, la possibilité de dire ouvertement ce que vous venez d'entendre, que tu as la possibilité de le dire ouvertement, et on aura l'occasion d'aborder cette chose-là, Inch'Allah ta'ala, au moment voulu. Na'am. Le second pilier. Donc, Cheikh Najmi de continuer en disant, Na'am. Le second pilier. L'accomplissement de la prière. Voilà. L'accomplir, c'est-à-dire l'effectuer en respectant ses conditions de validité, ses piliers et ses obligations. Le troisième pilier, le versement de l'aumône légale, la zakah, qui représente les droits d'Allah sur les biens. En effet, Abu Bakr a dit, radiallahu anhu, par Allah, s'ils me refusaient ne serait-ce qu'une lanière qu'ils avaient l'habitude de verser au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrais pour cela. D'après une autre version, par Allah, je combattrai quiconque fait une différence entre la prière et l'aumône légale, car cette dernière est le droit sur les biens. Par Allah, s'ils me refuseraient, ne serait-ce que le chevreau qu'ils avaient l'habitude de verser au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai pour cela. Naam, donc ici, le Cheikh Najmi, rahimahullah, il a anticipé en parlant du second pilier de l'islam, à savoir l'accomplissement de la prière, as-salah. L'accomplissement de la prière, as-salah, qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder lorsqu'on a parlé de ce chapitre-là dans les leçons importantes du Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. L'accomplissement de la prière, ça c'est quoi? Ça signifie l'effectuer en respectant ses conditions de validité, ainsi que ses piliers et ses obligations. On peut rajouter également, et ce qui est facilité à la personne, et ce que la personne a la possibilité de rajouter comme acte recommandé. Et le troisième pilier, le versement de l'aumône légale, zakat, qui représente les droits d'Allah sur les biens. En effet, Abu Bakr a dit, par Allah, donc ici, le Cheikh, rahimahullah, fait référence à la période qui a suivi la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certains se sont abstenus de verser l'impôt ou l'aumône légale, zakat. Et Abu Bakr a dit par Allah, s'il me refusait ne serait-ce qu'une lanière, et dans une autre version donc, qu'un chevreau, ce qui fait référence à la petitesse de la chose. S'il venait malgré tout à le refuser, alors à ce moment-là il a dit, alors qu'ils avaient l'habitude donc de le verser au messager d'Allah, je les combattrai pour cela. Ce qui te montre donc l'importance de la zakat, ce qui te montre l'importance de la zakat. Et on va voir plus loin dans les propos du Cheikh Najmi rahimahullah ce qu'il en est de la personne qui délaisse la prière. Ce qu'il en est de la personne qui délaisse la prière. Et que selon l'avis le plus authentique, Inch'Allah ta'ala, des ulama, celui qui délaisse la prière par paresse, en reconnaissant son caractère obligatoire et légiféré, et bien malgré tout, il sort de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Ce qui n'est pas le cas de la zakat, car même si le fait de délaisser et de ne pas verser la zakat, alors qu'on fait partie de ceux qui doivent la verser, ça reste un péché très grave. Cependant, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui s'abstient de donner la zakat alors qu'il doit la donner, va lui être montré le paradis et l'enfer le jour de la résurrection, et que donc il prendra une des deux directions, ce qui prouve qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il le souhaite, il lui pardonne, et s'il le souhaite, il le châtie. Et ce qui montre donc que la personne, ou que le fait de délaisser la zakat, tout en reconnaissant son caractère obligatoire et légiféré, ne fait pas partie de ce qui fait sortir de l'islam. Naam. Ensuite donc, le Cheikh Najmi de continuer en disant... Le quatrième pilier, le jeûne de Ramadan, c'est-à-dire du mois de Ramadan. Le cinquième pilier, le pèlerinage à la Mecque sacrée. À la maison. À la maison sacrée d'Allah. Ces pratiques extérieures sont donc les piliers de l'islam. Naam, pratiques extérieures, ou on peut dire également ces pratiques apparentes, en opposition à ce qui est intérieur et qui est lié donc au cœur, comme on va le voir plus tard, inshallah, concernant la foi. Naam. Puis l'auteur mentionne, une par une, les preuves concernant ces piliers, à commencer par celle à propos de l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, c'est-à-dire les paroles du Très-Haut. Allah atteste, et avec lui les anges et ceux qui ont la connaissance qu'il n'y a de divinité que lui, lui qui maintient la justice, il n'y a de Dieu que lui, le puissant, le sage. Et le sens de cette attestation est qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, seul. Et cette attestation est formée d'une négation et d'une affirmation. Il n'y a de divinité, renie toutes les divinités, et qu'Allah affirme... Donc, Naam renie toutes les divinités, dans le sens où ça renie le fait que toutes les divinités en dehors d'Allah méritent d'être adorées, et qu'Allah affirme, Naam que les adorations appartiennent à Allah. Que l'adoration appartient à Allah. Que l'adoration appartient à Allah seul, sans associé. Sans associé. Ici, donc c'est au pluriel, sans associé avec un S. Naam. Si vous barrez le S, ça serait préférable. Pourquoi ? Afin de fermer la porte à ce qui pourrait donc être compris, et qu'une personne dise donc, Allah n'a pas plusieurs associés, mais cela n'exclut pas qu'il en ait un seul. Alors que si donc tu enlèves le S et que tu le lèves, laisse cette chose-là au singulier, ça exclut le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un seul et associé, et à plus forte raison qu'il en ait plusieurs. Donc peut-être qu'il est préférable ici de supprimer ce S, la marque du pluriel. Naam. Et cette attestation revient à désavouer le polythéisme et ses adeptes, comme le fit Ibrahim. Naam, le polythéisme et ses adeptes. Tu ne te contentes pas de renier, de te désavouer du polythéisme, mais également tu dois te désavouer de quoi ? De ses adeptes, dans leur croyance, dans leur manière, et également dans le lieu de vie. Naam. Comme le fit Ibrahim, alayhi salam, dans les paroles d'Allah, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, « Je désavoue ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. » Et il en fit une parole qui devait se perpétuer dans sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Ainsi, lorsque l'un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se convertissait à l'islam, il se séparait totalement de sa famille et de ses proches, non musulmans. Il donnait donc tout... Naam ! Il a été... Naam ! Il se désavouait... Naam, continue. Continue. Ils donnaient donc tout leur sens à l'alliance avec les musulmans et au désaveu des mécréants. Al-wala wal-bara. Ainsi, il est rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je désavoue tout musulman qui vit parmi les polythéistes. » Les compagnons demandèrent « Et pourquoi, messager d'Allah ?» Il répondit « Car ils ont transgressé mes ordres. Que les uns ne voient pas le feu des autres, c'est-à-dire que les musulmans ne vivent pas proches des polythéistes. » Et le succès ne vient que d'Allah. Naam. Donc ici, le Shir, rahimahullah ta'ala, il a dit, ainsi lorsque l'un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se convertissait à l'islam, il se séparait totalement de sa famille et de ses proches, entre crochets donc, non musulmans, du fait qu'ils étaient persécutés, et que le fait qu'ils aient embrassé l'islam et adhéré au tawhid, ça a fait qu'ils ont été... qu'ils ont été persécutés. Comme on peut le voir ici, dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Et je vous lis donc directement sa traduction, tirée du livre La véritable éducation. Na'am. Dans le chapitre 47, Babu al-Walad, Qurratul Ayn, l'enfant et la joie des yeux. Selon Abdurrahman ibn Jubayr, ibn Nufayr, selon son père, a dit, nous nous sommes assis un jour avec al-Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu an. Un homme passe près de lui, donc il faisait partie des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Un homme passe près de lui et dit, bienheureux les deux yeux qui ont vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, nous avons souhaité voir ce que tu as vu et regarder ce que tu as regardé. Al-Miqdad se mit alors en colère. Je fus étonné, car cette personne n'avait dit que du bien. Alors il se tourna vers lui et dit, c'est-à-dire Al-Miqdad s'est tourné vers la personne qui venait de dire cette chose-là, en apparence ses propos ne sont que du bien. Il lui a dit, qu'est-ce qui pour cela m'a souhaité avoir été présent pour une chose dont Allah ne lui en a pas accordé la vision? S'il avait été présent, il ne sait pas comment il aurait été. Par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu présent parmi des gens qu'Allah renversa sur leur visage en enfer. Ils n'ont pas répondu à son appel et ne l'ont pas considéré véridique. Pourquoi ne louez-vous pas Allah? Pourquoi ne louez-vous pas Allah de vous avoir fait sortir en ne connaissant que votre Seigneur? Et ainsi, vous avez déclaré véridique ce que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. En effet, on vous a préservé des épreuves par d'autres personnes qui les ont subies. Par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fut envoyé au moment le plus difficile qui fut, durant une période d'ignorance, où les gens ne voyaient pas de meilleure religion que l'adoration des statues. Aucun autre prophète n'a enduré ce qu'il a subi. Il, sallallahu alayhi wa sallam, est venu avec le discernement, par lequel il a séparé le vrai du faux. Il a séparé le fils de son père, de telle sorte à ce que l'on voyait son père, son fils, ou même son frère comme un mécréant. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a brisé le cadenas de leur cœur par la foi. Ces hommes savaient que si un membre de leur famille mourait, ils entreraient en enfer. Alors, ou il entrerait plutôt, excusez-moi, il entrerait, c'est-à-dire ce dernier, le membre de la famille, qui restait donc dans la mécréance, il entrerait en enfer. Alors leur œil ne pouvait se réjouir à l'idée que cette personne bien-aimée irait en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en ce qui les concerne, والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. Et ceux qui disent, ô notre Seigneur, donne-nous à nos épouses et nos descendants la joie des yeux. Tu retrouves donc ici cette chose-là, le fait que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, quand ils ont embrassé l'islam, qu'ils ont adhéré à la cause du tawhid, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été séparés et ils se sont désavoués de leurs proches qui étaient restés dans la mécréance et qui continuaient donc à s'opposer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à son message. Na'am. Ils donnaient donc, comme le dit le Cheikh Najmi, tout leur sens à l'alliance avec les musulmans et au désaveu des mécréants. Al-wala wal-bara. Ainsi, il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je désavoue tout musulman qui vit parmi les polythéistes. Les compagnons demandèrent, pourquoi au messager d'Allah? Il répondit, car ils ont transgressé mes ordres. Ici, c'est entrecroché car ça ne fait pas partie des propos du Cheikh Najmi. Certainement, le frère traducteur les a mis car il jugeait que c'était important de les mettre pour la compréhension du hadith. Que les uns ne voient pas le feu des autres. C'est là la parole, la traduction de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les musulmans ne vivent pas proches des polythéistes et le succès ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. On reprend donc et on termine après al-adhan. Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit, et la preuve concernant l'attestation que Mohamed est le messager d'Allah réside dans les paroles du Très-Haut, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Le mal que vous subissez lui pèse. Il est plein de sollicitude envers vous. Bon et miséricordieux envers les croyants. Cheikh Najmi rahimahullah de commenter. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. C'est-à-dire qu'il est un homme comme vous qui, de plus, parle votre langue, éprouve les mêmes sentiments que vous. Il est donc réellement des vôtres. Et ceci près qu'Allah l'a élu en le chargeant. À ceci près qu'Allah l'a élu en le chargeant de transmettre un message. Ce verset est donc adressé aux Arabes en particulier et aux gens en général. Aux Arabes, car il est des leurs. Il parle la langue des Arabes qui le connaissent et le comprennent. Avant que le Coran ne lui soit révélé, il était le plus véridique d'entre eux dans ses paroles et le plus honnête malgré sa pauvreté. Il était si réputé par son honnêteté que celui qui voulait placer un objet en dépôt le lui confiait, si bien qu'il le surnommait Mohammed, fils de Abdullah, l'honnête. Mais lorsqu'il les a appelés à l'islam, ils l'ont traité de menteur, se sont opposés à lui et lui ont collé toutes sortes d'étiquettes, l'accusant parfois d'être un grand menteur, parfois d'être un sorcier, d'autres fois d'être un devin. Il s'arma de patience. Il s'arma donc de patience et on peut rajouter donc également, et fit preuve d'endurance. Sabara wa sabara. Dans les propos du Cheikh Najmi, donc tu retrouves donc le principe de patience et également d'endurance. Na'am. Jusqu'au jour où Allah lui accorda la victoire. Ceux qui ne l'avaient pas encore fait adhérèrent alors à la religion qu'il prêchait. En particulier lorsque les portes de la Mecque lui furent ouvertes et qu'il conquit la ville. Les tribus arabes commencèrent alors à lui envoyer des délégations pour lui annoncer leur conversion. Et Allah ne reprit pas son âme avant que toute la péninsule arabique n'ait embrassé la religion qu'il prêchait. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. Le sens du verset « Ce que vous subissez lui pèse », c'est-à-dire « Ce que vous subissez est important pour lui et le préoccupe ». Allah dit « وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ». Muhammad n'est qu'un messager. Les messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retournez-vous sur vos talons. Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompense bientôt les reconnaissants. Récompensera bientôt les reconnaissants. Sa vigilance concerne le fait qu'il s'attache à leur foi et se conforme aux enseignements qu'il leur a dispensés. Et ce, au point qu'Allah aille jusqu'à lui reprocher cet excès de vigilance en disant... Si on s'était contenté ici de dire « et ce, au point qu'Allah lui reprocha », ça aurait peut-être été préférable et plus prudent, plutôt que de dire concernant Allah « aille jusqu'à ». Personnellement, ça, je crains que ça ne soit pas forcément très correct. Peut-être donc se contenter de dire « et ce, au point qu'Allah lui reprocha ». Wallahu a'lam. Cet excès de vigilance en disant « فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ أَسَفَا. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. L'important ici est de comprendre que l'attestation indiquant que Mohammed est le messager d'Allah constitue la deuxième partie de la double attestation et complétant la première. Aussi, l'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah atteste de son unicité en tant que créateur de cet univers, de sa gestion et du fait qu'il est celui qui accorde la subsistance. Par conséquent, il est obligatoire de l'unifier en le divinisant lui seul. Na'am, ici, l'auteur rahimahullah aborde la preuve concernant l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, qui est la deuxième partie de l'attestation de foi, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Et il a donc fait mention de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, le mal que vous subissez lui pèse, il est plein de sollicitude envers vous, bon et miséricordieux, envers les croyants. Envers les croyants. Et donc le Cheikh Najmi, rahimahullah, a résumé de manière brève, mais relativement exhaustive, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa relation qu'il avait avec les tribus arabes qui ont refusé donc son message, sauf une minorité d'entre elles. Puis par la suite, le message de l'islam s'est propagé, notamment lorsque les portes de la Mecque lui furent ouvertes et qu'il conquit la ville. Les tribus arabes commencèrent alors à lui envoyer des délégations pour lui annoncer leur conversion. Et Allah ne reprit pas son âme avant que toute la péninsule arabique n'ait embrassé la religion qu'il prêchait. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. Naam. Également, le Cheikh Najmi a dit un peu plus loin, l'important ici est de comprendre que l'attestation indiquant que Mohammed est le messager d'Allah constitue la deuxième partie de la double attestation en complétant la première. Ce qui signifie que tu ne pourras concrétiser la première partie, à savoir la ilaha illallah, qu'en suivant, en reconnaissant d'une part, et en obéissant d'autre part, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en te conformant à sa sunnah. Et on va voir plus tard le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, et on va voir les quatre points qui sont compris dans cette attestation-là. C'est pour cela que tu trouves parfois, dans certains textes de la sunna, qu'il est fait mention uniquement de la ilaha illallah. Il n'est pas fait mention de Mohammed Rasulullah. Il faut savoir que lorsque tu ne vois que la ilaha illallah, c'est qu'en vérité, Mohammed Rasulullah va forcément avec. Et que tu ne pourras concrétiser la ilaha illallah qu'en ayant suivi le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en attestant donc du fait qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam, on va continuer et terminer avec ce dernier passage. Naam. Donc lorsque l'auteur régit, naam. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmahullah, a dit, et l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam signifie obéir à ses ordres, croire à son message, s'écarter de ce qu'il a interdit et défendu et n'adorer Allah qu'en se conformant à la loi qu'il a apportée. Naam. Cheikh Najmi rahimahullah dit, attester que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam signifie témoigner qu'il est un messager envoyé par Allah et chargé de transmettre une loi. Naam. Chargé de transmettre une loi, et pour rester plus fidèle au propos du Shir, nous dirons est chargé de transmettre la loi qui lui fut révélée. La loi, donc, pour être plus précis, plutôt que de dire une loi qui pourrait laisser entendre que c'est une loi parmi tant d'autres, qui pourrait être une loi qu'il aurait lui-même inventée. Naam. La loi qui lui fut révélée, donc, afin d'être plus précis et plus conforme aux propos tenus par le Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah ta'ala. Sa communauté, pour sa part, est tenue de croire en son message et qu'il n'a prescrit, shara'a, que ce qu'Allah lui a ordonné de prescrire. Naam. Ce qui confirme donc et qui appuie cette chose-là. Naam. Qu'il n'a transmis que ce qu'Allah lui a ordonné de transmettre. En conséquence, il est obligatoire d'obéir à ses ordres et de s'écarter de ce qu'il a interdit. En outre, aucun acte d'adoration n'est accepté s'il n'est pas conforme à la loi qu'il a apportée. Naam. En effet, ces deux attestations, qui sont les deux principaux piliers de l'islam, sont les deux conditions de validité d'un acte. Naam. Tu retrouveras ces deux attestations de foi dans les deux conditions de validité des actes, à savoir la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où tu ne recherches que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala en œuvrant, ainsi que sa récompense dans l'au-delà et d'être épargné de son châtiment. Naam. Et également donc la conformité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité, ça renvoie à la première partie de la ilaha illallah, de la double attestation de foi, savoir la ilaha illallah, et le suivi, ça renvoie à la deuxième partie, à savoir Muhammad Rasulullah. Naam. Aucun acte d'adoration, donc, n'est accepté sans la croyance que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager et qu'il est donc obligatoire de suivre sa voix et de lui obéir. Le Très-Haut dit « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ » Et nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Na'am. Donc ici, dans ce passage, on retrouve que l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah signifie, et la signification donc elle comprend quatre points. Premièrement, lui obéir. Obéir à ses ordres. Deuxièmement, croire à son message. Le fait de reconnaître véridique ce avec quoi il est venu. Dès que cette chose-là est affirmée de manière authentique, alors tu te dois de reconnaître cela comme véridique. Étant donné que tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se prononçait pas sous l'effet de la passion, mais qu'en vérité c'était une révélation qui lui était faite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha » Il ne parle pas sous l'effet ou sous la prise de la passion, c'est plutôt une révélation qui lui est faite. Et également, c'est le troisième point, s'écarter de ce qu'il a interdit et défendu. Et le quatrième, est n'adorer Allah qu'en se conformant à la loi qu'il a apportée, ce qui exclut toute passion contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation, toute invention dans la religion, étant donné que toute innovation est un égarement sans exception. Étant donné que toute innovation est un égarement sans exception. Na'am. Il est donc important de retenir ces quatre points, de les méditer et de les mettre en application afin de concrétiser l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et on s'en tiendra à ça pour aujourd'hui. On continuera demain bi'iznillah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.